son, plus de tu. Tu peux faire aussi KFM. KFM. Number one. Get ready. KFM. 13h. Les après-midi, j'écoute KFM, premier sur les tubes. Après-midi, j'écoute KFM, premier sur les tubes. Mes mains veulent toucher, toi pour qui mon cœur bat. comme ça. Que toi qui fais ça comme ça. Y'a que toi que mes mains veulent toucher. Que toi pour qui mon cœur bat. Oh, oh. Que toi qui fais ça comme ça. Que toi qui fais ça comme ça. Je l'ai senti au fond de moi dès le premier regard. Ce petit truc entre nous ne serait pas banal. J'ai plus à lever la tête pour voir une étoile. Plus à me demander si je t'ai aimé ou pas. Tout est possible, ta main qui n'est pas la mienne. Tout est possible, tant qu'on sait. Y'a que toi que mes mains veulent toucher. C'est toi pour qui mon cœur bat. Oh, que toi qui fais ça comme ça. Que toi qui fais ça comme ça. Y'a que toi que mes mains veulent toucher. Fait tout ça now. Ou t'es veillé à m'en dire au pardon. Pas sans laisser au dormi tout c'est là. Ou sans griffer ou en mode ou moins. Elle s'en pète chez now. Ou chigue moi mais ouvre rouge. Les moyens d'y ou fermé. Vous carré fils et des yadou. Si vous bisez moi nous m'en fou. Fille histoire en nous en sur. Si à on fil y. Kaken, c'est toujours moi qui n'y en sous. Si l'homme ou la n'y en goût. Si gré t'es bien ou pas fou. Si même un petit coup de fil. Ah yeah. La la la. Dernier mot est vert, ouvrez pas les pifons. Moi, y'en pas, j'ai fait ça qu'il faut. Et vous, pas, j'ai mené ni tort. Qui j'en fais pour tomber malade en folle. Et pour voyage là, on s'avoue pas d'accord encore. Et les larmes d'un crocodile et toute la panoplie. Si y'a coûté au palais, c'est moi qui s'éplique gros saloperie. Évidemment, on va déterrer des dossiers qui j'enfuis. Ou bon et moi, en bon avec aussi. La la la la la. La la la la la. Et à chaque fois c'est la gaine ou pas j'ai qu'à prendre précaution. C'est caractère de merde contre caractère de cochon. Ou qu'à inventer moins vie avec n'importe qui femme au champ. Donc quand qu'à répondre vous qu'est ou qu'à offert au pis offrant. Des fois pas qu'à dire aïe mais en dit d'un qu'à hélé. Ou qu'à rentrer en crise si moins pour un soulier qu'à traîner. C'est moins qui pas bon, moins qui mauvais, moins qu'à exagérer. Pourquoi nous ensemble encore si son nous jacelé. La la la la la. La la la la la. Est-ce qu'à songer, balandi fait tes calimes. En tes cacalines, ou comprends moun pas savent caline. En tes mouna oué, ou tes mouna mouen, nous tombé d'amour. Nous t'es dans le bain, nous tout partout nous. T'es main dans la main, nous t'es vraiment fou, nous t'es vraiment bien. Tout ça, tigance, nous t'es qu'à communiquer sans parler en silence. on ti mélodie, et puis on ti danse, marcher en balabline, faire prudence, nous pas des cas sortis de wo, sans faire un selfie, nous faire des soirées cinéma, sans faire un selfie, quand t'es tellement malade, ou que bah on fait la bagarre, quand t'es paiement, t'y bah voilà la barre. On t'est tellement malade, ou que bah on fait la bagarre. On t'est qu'à prévoir des bas ou bagarre. La la la la la. La la la la la. Sur les tubes. KFM. Ça me sentit pas vrai. Thank you.